des cerises dans mon grand panier rouge, tout plein de fruits mûrs. Un petit verre me dit, sors-moi de là avant que je bouffe tout. Je regarde dans l'arbre une pie bleue avec un diamant blanc. Je lis à la pie, regarde, un petit ver tout nu vient le manger cru. La pie lâche le diamant, vient croquer le petit ver et repart en s'envolant. Je ramasse le diamant, je rentre au village, mon papa est content. Avec ce gros diamant blanc, on va avoir tout plein d'argent. Je vais m'acheter une guitare et devenir la plus grande de toutes les stars. Je ferai les concerts sur toutes les terres jusqu'à Jupiter. J'aurai une nouvelle vie, tout ça grâce à qui? Grâce à cette petite vie. J'achèterai une maison, y aura des ballons pour tous mes garçons. Y aura des poupées Barbie pour toutes les filles afin d'éviter la jalousie.